éminent juriste Hanbali. Il était un éminent juriste Hanbali, égyptien d'origine. Il fut nommé juge à son époque et il a composé certains ouvrages, entre autres Muntaha al-Iradat fi Jami' al-Mughni ma'a al-Tanqih wa Ziyadatin. Donc il est décédé en l'an 972 de l'Hijra an-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa atammu taslim, qui correspond à l'an 1551 du calendrier grégorien. L'origine de cet ouvrage, qui est Sharh al-Kawkab al-Munir ayyuha al-ikhwa, cet ouvrage est un commentaire d'un premier livre que l'auteur, qui est Ibn Najjar al-Futuhi rahimahullah ta'ala, a composé. Ce premier livre se nommait Mukhtasar al-Tahrir. Mukhtasaru al-Tahrir. Donc, faisant le commentaire de son livre Mukhtasar al-Tahrir, faisant le résumé de Mukhtasar al-Tahrir, il a écrit Sharh al-Kawkab al-Munir, qui est un résumé justement de Mukhtasar al-Tahrir. Ce second, qui est Mukhtasar al-Tahrir, est un résumé du livre At-Tahrir de Al-Mawardi, de Al-Mardawi, Afwan, de Al-Mardawi, le Hanbali, décédé en l'an 885 de l'Hijra, qui correspond à l'an 1464, qui lui-même l'a commenté dans un autre livre qui s'appelait At-Tahrir. Donc il y avait un imam qui s'appelait Al-Mardawi aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle At-Tahrir. L'imam Ibn Najjar al-Futuhi a fait le résumé de ce Tahrir. Mais lorsqu'il a fait le résumé, il a besoin de faire un commentaire. Pour quelle raison? Nous avions expliqué ça auparavant. Certaines fois, à cette époque, les maisons d'édition, les moyens de recopier les livres étaient très limités, donc il fallait la plupart du temps le recopier à la main. De ce fait, ne pouvant recopier des livres qui sont très très longs, les savants faisaient des résumés. Mais lorsqu'ils faisaient ces résumés-là, le problème auquel faisaient face les toulabs, les étudiants, c'est que les termes employés afin de résumer le contenu de ces livres étaient très difficiles à cerner et était de même très difficile à comprendre. Donc ce qui a poussé ces mêmes savants qui ont fait des résumés à faire des charhs par après, à faire des commentaires de ces résumés-là. Voici la raison principale, une des raisons. Pour les références, il y a un livre qui s'appelle Dirasat Usuliyya d'un cheikh qui s'appelle Al-Kurdi. D'un cheikh qui s'appelle Al-Kurdi, et il a mentionné ce point-là. Donc, l'imam Ibn Najjar al-Futuhi a écrit Sharh al-Kawkab al-Munir en commentaire d'un livre qu'il avait déjà fait, qui était Mukhtasar al-Tahrir, qu'il a résumé d'un premier livre qui était de Al-Mardawi, qui avait composé un ouvrage du nom de Al-Tahrir, et qui lui-même a commenté dans un livre qui s'appelle At-Tahbir. Tout ça c'est des références, et il se peut que pour l'instant il ne soit pas fort utile pour vous, mais sachons-le simplement, Inch'Allah ta'ala, pour savoir l'origine de ce livre. Les caractéristiques du livre, Mumayyizatul Kitab. Premièrement, il n'est ni trop épais, il n'est ni trop long, ni trop court. Donc le livre est entre les deux. Il n'est ni trop long ni trop court. Deuxièmement, l'auteur affiliant chacun d'entre eux, c'est-à-dire chaque avis, à son protagoniste, détaillant ainsi ce qu'il a cité d'une manière vague dans son premier livre, Al-Mukhtasar. Donc dans le Mukhtasar, il avait cité les choses d'une manière vague. Donc on avait difficile à savoir qui était qui avait dit, qui avait dit lorsqu'on avait une parole ou un avis, on avait difficile à savoir qui était le protagoniste et qui était l'auteur de cet avis-là. Mais dans son livre Sharh al-Kawkab al-Munir, justement, un grand effort qui est d'affilier chacun des avis à son réel protagoniste, celui qui a eu cet avis-là. Ce livre, donc, ayyuha l'ikhwa, hafidhakumullah wa ra'akum, se distingue par sa précision. Et la loyauté scientifique, l'aman al-ilmiya, je ne sais pas tout à fait comment la traduire, mais l'aman al-ilmiya, c'est une forme de loyauté vis-à-vis de la science. C'est une forme de loyauté vis-à-vis de la science qui se réalise en étant précis en étant précis dans l'affiliation de ce que tu dans en étant précis dans ce que tu transmets. Donc lorsque tu dis par exemple à l'imam Ahmed a dit telle et telle chose, tu cites la référence. Tu cites la référence et ça rentre dans l'aman al-ilmiya. Ou sinon, tu cites un avis. Donc, parmi l'aman al-ilmiya, il y a la loyauté vis-à-vis de la science, c'est que tu affilies cet avis-là à celui qui l'a dit. Donc ce livre se distingue par sa précision et sa amana al-ilmiya, et de même, sans oublier, la reconnaissance des vertus à ceux qui la méritent réellement. Donc Ibn Najjar al-Futuhi ne s'est pas attribué un travail qu'il n'a pas fait. À chaque fois qu'il a mentionné un avis, il a mentionné qui a dit cet avis-là. Donc ça, c'est une forme de reconnaissance des vertus de ceux qui méritent véritablement et réellement qui mérite véritablement et réellement ces vertus-là. Sans oublier, bien sûr, que Ibn Najjar, rahimahullah, c'est une forme de modestie de sa part, ça ne diminue pas du travail de l'homme, ni de la valeur de cet homme-là. Mais simplement, c'est pour montrer la loyauté de l'homme vis-à-vis de cette science qu'Allah, il nous a demandé de propager, qu'il a demandé aux gens de science de propager, c'est qu'il ne laissait pas des paroles vagues pouvant faire croire que ces avis-là sont les siens ou qu'il les a lui-même apportés, qu'il est lui-même l'auteur de ces déductions-là. Non, lorsqu'il citait un avis, c'était qui l'avait dit, et lorsqu'il citait une position, il citait qui était l'auteur et le protagoniste de cette position-là. Troisièmement, l'auteur a ajouté, rahimahullah ta'ala, de nombreuses fawaïd dans son livre. Il a fait des remarques qui étaient très riches, sur base d'un discours facile d'accès et un style très simple. Donc le livre, il est très facile d'accès et le style, il est très simple, il n'est pas compliqué. Tout ceci accompagné d'un esprit de bien-être que l'on ressent pendant l'étude des questions de Usul al-Fiqh. Tout ceci accompagné d'un esprit de bien-être que l'on ressent pendant l'étude de ces questions liées à Usul al-Fiqh. Et dans le même moment que l'on est à l'aise dans la lecture de cet ouvrage-là, on profite fortement aussi. On profite fortement et on tire de nombreuses informations qu'on n'aurait pas pu avoir ailleurs. Donc, je répète, l'auteur a ajouté de nombreuses fawaïd et des remarques très riches sur base d'un discours facile d'accès et un style très simple. Tout ceci accompagné d'un esprit de bien-être que l'on ressent pendant l'étude de ces questions au soliaïque. Quatrièmement, l'auteur se base fréquemment sur les nobles versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son argumentation. Donc l'auteur se base fréquemment sur les nobles versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son argumentation. Mais il ne se contente pas lors de l'argumentation, aussi bien pour affirmer les principes de base que pour donner des exemples à ces principes de base et aux règles générales, et afin d'éclairer ces règles et ces principes de base. Donc il utilise les versets du Coran et des hadiths pour montrer la validité des qawa'id de l'usul, des règles de l'usul. Mais il ne se contente pas de mentionner les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam simplement dans ce contexte-là. Non. Au contraire, il ajoute cette argumentation et il fait la même démarche lorsqu'il doit citer des exemples de ces règles générales-là, afin d'éclairer ces règles générales. Donc le Coran et la Sunna étaient une référence chez cet imam, rahimahullah ta'ala. Cinquièmement, ayyuha l'ikhwa, l'auteur s'est efforcé d'exposer la voix des salafs salih, à diverses reprises, rapportant, et ce en grande quantité, les paroles des guides d'Ahl Sunnati wal Jama'a, tels que l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, Ibn Qudam al-Maqdisi, Ibn Taymiyyah et leurs semblables. Donc l'auteur a exposé la voix des salafs salih, radiyallahu anhum, à diverses reprises, rapportant, et ceci en abondance, les paroles les paroles des guides de Ahl Sunnati wal Jama'a, tels que l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam al-Shafi'i, l'imam ibn Qudama et ibn Taymiyyah, rahimahullah, et leurs semblables. Sixièmement, yo al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, dans la classification de son œuvre, l'auteur, qui est Ibn Najjar al-Futuhi, rahimahullah ta'ala, a suivi Ibn al-Hajib dans son livre Al-Mukhtasar. A suivi Ibn al-Hajib dans son livre Al-Mukhtasar. Qui est Ibn al-Hajib? On avait déjà parlé auparavant, lors de Al-Jama'a, dans Usul al-Fiqh, nous avions parlé de l'imam Ibn al-Hajib. Maintenant, nous allons détailler un peu de sa biographie. Son nom était Othman, Ibn Omar, fils de Omar, fils de Ali, fils de Abu Bakr, fils de Younous, donc Othman, fils de Omar, fils de Abu Bakr, fils de Younous, égyptien. Maître des Malikiyas de son époque et de la langue arabe. Il était donc le maître des Malikiyas de son époque et de la langue arabe. Sa kunya était Abu Amr. Abu Amr. Il a composé, entre autres, Al-Kifaya fin-Nahu. Al-Kifaya fin-Nahwi. Al-Kifaya fin-Nahwi. Et... Donc le sixième point, yo hafizakumullah, est que l'imam Ibn al-Hajib, Ibn al-Najjar al-Futuhi, dans son livre Sharh al-Kawkab al-Munir, dans la classification de son travail, de son livre, il a suivi la même voie que celle d'Ibn al-Hajib. Il a suivi la même voie que celle d'Ibn al-Hajib dans son livre Al-Mukhtasar. Ibn al-Hajib, qui est l'imam Ibn al-Hajib, rahimahullah ta'ala? Son nom est Uthman Ibn Omar Ibn Abi Bakr Ibn Younous. Donc son nom est Uthman, fils de Abu Omar, fils de Abu Bakr, fils de Younous, égyptien d'origine. Mais il était le maître des Malikiyas de son époque et de la langue arabe. Il était le maître des Malikiyas dans le fiqh de son époque et il était de même un des imams de la langue arabe. Sa kunya était Abu Amr. Il a composé Al-Kifaya fi Nahwu et Muntaha al-Sulul wa al-Amal, Muntaha al-Sulul wa al-Amal, qu'il a résumé dans Mukhtasar al-Muntaha, Mukhtasar al-Muntaha. Et c'est justement ce Mukhtasar al-Muntaha qu'Ibn Hajib, que Ibn al-Najjar al-Futuhi a suivi dans la classification et la manière d'ordonner son livre. Ibn al-Hajib rahimahullah ta'ala est décédé en l'an 646 de l'Hijra an-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'an 1225 du calendrier grégorien. Une simple précision, lorsque je mentionne le calendrier grégorien, ce n'est pas pour lui donner de la valeur ou quoi que ce soit, mais simplement pour qu'on puisse avoir un repère historique. Simplement pour qu'on puisse avoir un repère historique. Donc, que certains ne nous disent pas que parmi l'Wala ou l'Bara, c'est d'abandonner le calendrier grégorien. L'objectif est simplement d'avoir un repère historique, vu que malheureusement, on a difficile à se repérer sur le calendrier basé sur le Hijra Nabawiyya. Donc, étant donné que c'est une introduction historique à la science de Usul Fiqh, pour se retrouver dans cette histoire, j'essaye de mentionner à chaque fois. Inch'Allah ta'ala, la concorde, enfin, la date exacte selon le calendrier grégorien. Maintenant, quel était ce fameux tartib, cette fameuse classification dont on a parlé, qui distingue le livre de l'imam Ibn al-Hajib, Ibn al-Najjar al-Futuhi, rahimahullah ta'ala. Donc, le tartib d'Ibn al-Hajib est comme ce qui va. Donc, on va le citer selon son ordre dans le livre. Premièrement, l'introduction, dans laquelle il définit Usul al-Fiqh et ses principes de base. Premièrement, al-Muqaddima, dans laquelle se trouve Ta'rifu lil-Fiqh wa mabadi'uhu. Donc, la définition de Usul al-Fiqh et les principes de base de cette science. Donc, dans cette même intro se trouvent aussi les principes de la langue arabe. Des principes de base de la langue arabe qui sont importants à connaître pour justement comprendre cette science qui est Usul al-Fiqh. Toujours dans cette introduction, nous avons aussi les questions liées aux statuts légaux, les questions liées aux ahkam shar'iyya, par exemple, qui est le hakim? Qui est le hakim? Donc ça, man huwa al-hakim, c'est une question qui est développée dans Usul al-Fiqh, et c'est à ce moment-là que les savants traitent de la considération de at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyain, la détermination du bien ou du mal à travers la raison. Et donc c'est à ce moment, ça, dans ce passage-là que les savants en parlent lorsqu'on traite de man huwa al-hakim. Qu'est-ce qu'un hukm shar'i et quelles sont ses catégories? Ça aussi, c'est toujours dans l'introduction. Et enfin, al-taklif, la responsabilité légale, qu'est-ce que c'est et comment atteint-on le degré, comment devient-on responsable légalement dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, dans cet ordre de classification, nous avons les sources de la loi, masadirut tashri'a, ou adillatu shara. Les sources de la loi, Et à ce moment-là, on parle en premier lieu du Coran, de la Sunna. Et lorsqu'on traite de la Sunna, il est question des actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, af'alul rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est leur valeur juridique? Quelle est leur valeur juridique? Et les différentes formes d'action du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait dans le but d'adorer Allah, ce qu'il a fait ce qu'il a fait par nature humaine, est-ce que c'est un caractère légal, est-ce que quel est son caractère juridique, c'est-à-dire quelle est la place de ce genre de choses dans la religion d'Allah, comme le fait de se laisser pousser les cheveux par exemple, est-ce que c'est recommandé, est-ce que ce n'est même pas recommandé, quel est le statut de celui qui le fait pour se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'il nous est demandé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là, la tenue vestimentaire et ainsi de suite, tout ça c'est traité dans le chapitre concernant les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, af'alur rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et pour plus de détails sur le sujet, sur les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un écrit qui avait été traduit de Irshad al-Fuhul de l'imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala sur les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les différentes catégories que vous pouvez retrouver sur certains forums. Donc, premièrement, lorsqu'on traite des sources de la loi, des adillatu shar' ou masadiru shar', on va parler du Coran, premièrement, deuxièmement, de la sunna, et lorsqu'on traite de la sunna, on va traiter des actions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, al-ijma', le consensus, qu'est-ce qu'un consensus? Les différentes sortes de consensus, comment se réalise l'unanimité, l'ijma'. Quatrièmement, les textes, donc à ce moment-là, ils vont parler du mutawatir et du ahad, le texte qui atteint le degré de tawatur, c'est-à-dire un degré où on est quasi sûr et on est sûr et certain, sans aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réellement dit. Et le ahad, qui n'a pas atteint ce degré-là, qu'est-ce que le mutawatir? Qu'est-ce que le ahad? Quel est le nombre exact? Y a-t-il un nombre exact? Y a-t-il un nombre exact pour savoir qu'un hadith est mutawatir? Ou n'y a-t-il au contraire pas de nombre exact? Et qu'en fait, c'est à partir du moment où on sait qu'il est impossible qu'ils soient mis d'accord sur un mensonge, que l'on sait que ce nombre-là, dans ce cas-là, nous montre la certitude. Donc tout ça, c'est des questions qui sont développées dans justement le mutawatir ou l'ahad. Cinquièmement, l'ordre et l'interdiction, l'amr ou nahi, les différentes formes d'ordre, les différentes formes d'interdiction. Comment reconnaît-on un ordre? Comment reconnaît-on une interdiction? Les catégories d'ordre, les catégories d'interdiction. Al-aam ou al-khas, le texte général. Et le texte khas, le texte spécifique. Al-mutlaq ou al-muqayyad, l'absolu. Et le restreint ou l'inconditionné. Et le conditionné. Et la diffé comment reconnaît-on un texte qui est mutlaq? Comment reconnaître un texte qui est muqayyad, qui est restreint? Quelle est la différence entre le mutlaq et le texte général, le texte âme? Quelle est l'influence et quelles sont les conséquences de cette différence entre le texte mutlaq et le texte général dans les cas pratiques juridiques? Et le mujmal, el mubayyan, et comment, c'est-à-dire le texte vague et le texte qui vient détailler ce texte qui est vague. Comment reconnaît-on un texte mujmal? Comment reconnaître un texte mubayyan? Quel est le caractère juridique de chacun d'entre eux? Le zahir, le sens apparent, ou el muawwal, le sens figuré. Qu'est-ce qu'un texte qui a un sens apparent? Qu'est-ce qu'un texte qui a un sens figuré? Comment faire la différence entre les deux? Quand est-ce qu'on peut donner à un texte son sens figuré? Est-ce que la règle générale est le sens apparent ou le sens figuré? Tout ça, c'est traité dans ce contexte-là. Là, le mantouq, l'explicite, et le mafhoum, l'implicite. Lorsqu'il y a une contradiction entre un mantouq et un mafhoum, entre un texte qui est entre un argument ou un argument explicite et un argument implicite, lequel prime des deux? C'est l'explicite sans aucun doute. Quelles sont les différentes formes de mafhoum, d'implicite? Il y a ce qu'on appelle mafhoum al-muwafaqa, mafhoum al-mukhalafa. Donc la compréhension par l'opposé, tous ces détails-là sont mentionnés dans ce contexte-là. Et aussi un nasr, l'abrogation, quelles sont les conditions de l'abrogation, et le qiyas, l'analogie, quels sont les piliers de l'analogie, dans quel cas l'analogie est valide, dans quel cas l'analogie, le qiyas n'est pas valide. Et enfin, pour terminer, dans les sources de la loi, on traite des sources qui font l'objet de divergences. Al-masadir al-mukhtalafu fiha, ou il-adillatul-mukhtalafu fiha, qu'al-urf, tel que l'usage, ou al-masrah al-mursala, et ainsi de suite. Donc, c'est ainsi que Ibn Hajib a détaillé son livre, a classé son livre, et qu'il a ordonné son livre, et c'est ainsi que Ibn Najjar al-Futuhi, dans son livre Sharh al-Kawkab al-Munir, a ordonné son livre, et on voit qu'un grand nombre de contemporains ont aussi ordonné leur livre de cette manière-là. Car c'est une manière d'ordonner le livre qui est convenable, et qui est simple, et qui est accessible, et te permet d'ordonner toi, au fond de toi, ces sujets-là. Car le but, ayyuha al-ikhwa, dans Usul al-Fiqh, ce n'est pas de saisir que des définitions, non. C'est qu'arrivé un moment, tu t'imprègnes de ces définitions-là. Tu t'imprègnes de ces méthodologies-là, de ces méthodologies de comprendre, de déduire, à tel point que ça coule dans ton sang. Et à ce moment-là, tu comprendras la religion d'Allah Azzawajal convenablement, et c'est ça qu'on appelle à l'aql, la raison. Donc le but de ces cours-là, ce n'est pas de donner plein de définitions, d'avoir une culture générale. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir une raison comme Allah nous a demandé. De raisonner comme Allah nous a demandé. De comprendre comme Allah nous a demandé. C'est ça le but de Usul al-Fiqh. C'est de libérer la pensée humaine. De libérer la pensée humaine et de ne pas laisser cette pensée humaine et enchaîner à soit au suivi aveugle, soit à l'incompréhension, soit au désordre et à la simplicité qui arrive au stade de la bêtise humaine. Non, le but de Usul al-Fiqh, c'est de te mener à la compréhension de l'objectif d'Allah, ton Seigneur, et de son messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point aussi qui est dans le troisième point, ou la troisième chose qui vient, ou le troisième sujet qui vient dans cet ordre de classification, est la question de l'ijtihad, l'effort de réflexion. Quand est-ce qu'il est accepté? Quand est-ce qu'il n'est pas accepté? Quelles sont ses conditions? Et dans quel cas il est valable? Quel est le comportement à respecter lors d'une démarche d'ijtihad? Tout ça est mentionné dans le chapitre sur l'ijtihad. Quatrièmement, le ta'arud et le tarjih, la contradiction en apparence entre les textes, et comment faire lorsqu'on fait face à ce genre de contradiction. Je répète, à savoir qu'il n'y a pas de réelle contradiction entre le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de réelle contradiction entre les textes qui sont affirmés d'une manière certaine et qui sont certains dans leur indication, mais dans leur dalala. Mais la contradiction peut apparaître dans la raison humaine et la façon de comprendre les textes. Ou la contradiction peut apparaître entre un texte qui est faible et un texte qui est authentique. Mais jamais vous ne trouverez de contradiction entre un texte qui est certain dans son affirmation, qui est qat'i et certain dans son indication, qat'i, et un autre texte qui est certain dans son affirmation, qat'i, et certain dans son indication, qat'i. Ça n'existe pas dans la religion d'Allah. Allahu Azzawajal dit: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et s'il venait d'autre qu'Allah, ce livre, qu'est le Coran, ils y auraient trouvé d'énormes contradictions. Mais il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais cette contradiction que l'homme peut s'imaginer, elle est soit dans son esprit, et due à sa mauvaise compréhension, soit c'est une contradiction réelle, mais ce n'est pas une contradiction de deux choses qui viennent d'Allah. Car le texte qui est faible et qui s'oppose d'une manière certaine à un texte qui est authentique, le texte faible ne vient pas d'Allah. Donc ce n'est pas une contradiction de deux choses qui viennent d'Allah, mais c'est une contradiction entre une chose qui vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et une erreur humaine. Donc ça n'entre pas dans le cadre de la révélation d'Allah, ni dans le cadre de la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ayyuha al-ikhwa, donc nous avons dit la troisième. Le troisième point détaillé dans cet ordre de classification est l'ijtihad. Le quatrième, le ta'arud et le tarjih, la contradiction en apparence et la manière de faire prévaloir un texte sur un autre face à cette contradiction, le comportement à avoir face à cette contradiction-là. Donc là, nous avions parlé de la classification de ce livre-là. Avant d'avoir parlé de la classification du livre, nous étions en train de mentionner les caractéristiques du livre. Nous avions mentionné la sixième, qui était justement cette classification-là. La septième caractéristique du livre. Ce livre se distingue par le grand nombre de références qui s'y trouvent. Il se réfère aux livres d'Ossoul les plus connus. Salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Taïb. À partir de quel moment vous n'entendiez plus? D'accord. Donc je reprends le septième point qui, donc je reprends Inch'Allah. Le septième point qui caractérise ce livre est que ce livre se distingue par le grand nombre de références. Il se réfère aux livres aux usul fiqh les plus connus. Ce livre est donc une référence pour connaître la vie des usul et des savants de usul fiqh dans tous les madhahib. Ce livre est donc une référence pour connaître la vie des usul. Et ce, à travers tous les madhahib connus dans Usul al-Fiqh. Et le huitième point, ayouha l'ikhwa, hafidhakumullah wa ra'akum, est une référence pour connaître la vie des savants de l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal dans Usul al-Fiqh. Ce livre est une référence pour connaître la vie des savants de l'imam Ahmed ibn Hanbal dans Usul al-Fiqh. Je répète, ce livre est une référence pour connaître la vie des savants de l'école Ahmed ibn Hanbal dans Usul al-Fiqh. Dans Usul al-Fiqh. Wa barakallahu fikum ayyuha l'ikhwa, jazakumullahu khairan. Ici se termine le cours et le rappel d'aujourd'hui, inshallah. Et nous avons terminé cette introduction. Walillahil hamdu wal minna. Nous avons terminé cette introduction de Usul al-Fiqh chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et Allah revienne les louanges et toutes les formes de remerciements en premier lieu et en dernier lieu. Et sans lui, nous n'aurions pu parachever cette œuvre-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par après, Inch'Allah? Allahu Ta'ala alam. J'essaierai mardi vous serez fixé, Inch'Allah. Mardi vous serez fixé, Inch'Allah. Walillahil hamd wal minna. Donc, grâce à Allah Azzawajal, on a au moins parachevé et terminé ce travail-là qui est un bref aperçu de Usul Fiqh chez Ahl Sunnati wal Jama'a. Falillahil hamd wal minna. فلله الحمد والمنة وبارك الله فيكم فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Et Allah et son messager Et Allah et son messager en sont innocents. Wa barakallahu fikum. À savoir que je n'ai pas tout mentionné dans ce dernier cours, pour pas que trop donner trop de détails, dans le sens où il n'y en a pas forcément besoin dans ce bref aperçu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wallahu min wara'i al-qasd. Wallahu min wara'i al-qasd. Wa sallallahu azza wa jal an yanfa'ana bihada al-ilm. Wa yaj'alahu hujjatan lana, la hujjatan alayna. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين